devine une ombre en moi. Quelquefois je n'y crois pas quand je ne la vois pas. Comme saint Thomas, je n'y crois pas. Alors montre-toi et dis-moi que tu es là pour moi, toi pour moi. Alors dis-moi que c'est toi. Ne te cache pas pour moi. Que tu m'aimes, oui, dis-le-moi. Oui, dis-le-moi. La vie nous ment parfois, cachée derrière un rire, une voix. Quelquefois des pas ne me laissent pas vieillir sans toi. Non, ne me laisse pas comme ça. Tu me manques déjà. Ne te cache pas pour moi. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi. Oui, dis-le-moi. Oui, dis-le-moi. Oui, dis-le-moi. Ce que j'aime, c'est le cri du cœur. Oui, le cri du cœur. Pourquoi je t'aime? C'est le cri du cœur. Rien que le cri du cœur. Pourquoi on s'aime? C'est le cri du cœur. Oui, le cri du cœur. Pourquoi la peine? Toujours le cri du cœur. C'est le cri du cœur. Ça, c'est le cri du cœur. Pourquoi la haine? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Oui, moi, je t'aime. Et ça, c'est mon cri du cœur. Alors dis-moi, toi, que tu m'aimes. Parce que ça aussi... What I like, it is shine. shouted with a heart.